Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Autant dire les choses simplement quand elles sont complexes. Ce Super Fail porte sur une étude qui s'est révélée complètement fausse. Elle a été menée par Gilles-Éric Serralini. Elle portait sur la toxicité des OGM. Autrement dit, cette erreur ne dit rien sur la toxicité générale des OGM. En revanche, cette étude-là, dont on a énormément parlé en 2012, moi-même, qui était journaliste déjà à l'époque, j'en ai parlé et bien entendu, à ce moment-là, tout le monde adhérait aux thèses de Gilles-Éric Serralini. On revient sur ces images qui ont fait le tour des médias il y a quelques semaines sur cette étude à propos des OGM, ces rats avec des tumeurs gigantesques. Et bien ce matin, le Haut Conseil des biotechnologies réfute les conclusions de l'étude du professeur Serralini. Écoutez, ce qu'ils disent n'est pas bien original par rapport à la société Monsanto. Toujours majoritairement les deux types d'arguments, c'est-à-dire il n'y a pas assez de rats et les statistiques sont pas assez puissantes, c'est pas la bonne souche de rats. En gros, c'est ça. Moi, je remarque qu'il y a des structures de validation scientifique. Ce sont les éditeurs scientifiques qui prennent 4 mois et pas qu'une quinzaine de jours pour évaluer un travail. Et que là, mon éditeur, qui est le meilleur éditeur au monde de toxicologie alimentaire, m'a publié. Et il y a plus de 160 lettres de soutien de scientifiques qui sont arrivées malgré les 27 critiques de Monsanto et de leurs sbires, puisque en fait, c'est surtout des personnes qui sont attachées à la commercialisation de ce produit. Nous avons plein d'indications du fait de ces pathologies et donc nous sommes confortables avec nos résultats qui, eux, ont été validés par des structures de validation des résultats scientifiques que sont les éditeurs scientifiques. Je vous remercie beaucoup. Je vous parle d'un champ que certains paysans ne veulent pas connaître. Quelques bobos babas qui ne pensent ici-bas qu'à leur petit bien-être et pour payer le prix d'une meilleure vie, ils refusent l'évidence que de progrès perdus si ces belles semences sont brûlées dans la rue. L'OGM, l'OGM, on a beau dire. Alors, vous avez entendu la voix du professeur Gilles-Éric Serralini, pas la personne qui chante, hein, non. Celui que vous avez entendu avant, il défend son étude et nous sommes en compagnie de Marcel Kuntz. Bonjour Marcel Kuntz, vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'université Grenoble-Alpes. Vous allez nous expliquer comment on en est arrivé à cette suite d'erreurs. Mais tout d'abord, je dois vous poser une question rituelle. Êtes-vous indépendant des fabricants de semences ou bien des fabricants de produits phytosanitaires ? Bonjour, bonjour à tous. Oui, je suis payé par le CNRS et occasionnellement par l'université pour faire des cours, mais je n'ai pas d'autres revenus. Donc, je suis indépendant, oui, s'il faut le déclamer chaque fois, je l'ai déjà dit souvent, je n'ai pas d'autres revenus. Voilà. En 2012, cette étude de Gilles-Éric Serralini avait fait énormément de bruit, tout simplement parce que on y voyait des rats qui avaient été nourris avec un maïs OGM associé à un pesticide, le Roundup, et on voyait ces rats développer des tumeurs atroces, des tumeurs qui démontraient la toxicité de ce maïs. Or, la réalité est un peu plus compliquée. Expliquez-nous pourquoi, Marcel Kuntz. Bon, d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est, si on connaît un tout petit peu la méthode scientifique, c'est qu'on vous montre trois photos de rats, un qui a mangé un OGM, un qui a bu le pesticide et un qui a absorbé les deux. Et vous ne voyez aucun rat contrôle, ce qui est quand même curieux pour une méthode scientifique. D'autant plus que si on lit attentivement la publication, on s'aperçoit que les rats contrôle, donc témoins, avaient des tumeurs aussi. Mais on ne les montre pas. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose là qui n'est pas tout à fait franc du collier, si j'ose dire, et qu'on cache, enfin, une manipulation d'image, il faut être clair, pour appuyer une thèse en ne montrant pas tous les éléments. Mais n'empêche que personne au début, parce qu'il y a eu un emballement médiatique, mais qui est compréhensible, parce qu'il y avait une opération vraiment de communication très professionnelle qui a été lancée. Et donc, on est confronté aux seules affirmations de M. Serralini. et de ses alliés politiques et médiatiques. Mais il faut dire aussi, à décharge des médias, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité à l'époque de vérifier, puisque la publication elle-même n'était pas encore disponible. Voilà, donc opération médiatique qui monte très haut, et puis qui suscite des interrogations légitimes, et puis très rapidement aussi des critiques qui apparaissent au fur et à mesure que les gens ont finalement accès à la publication, la lisent, et donc peuvent finalement la critiquer et la juger. Que disait-elle cette étude, Marcel Kuntz ? L'étude, en fait, au début, ce que je comprends, était d'abord une étude de toxicologie. C'est-à-dire, on va nourrir des rats avec l'OGM, avec le pesticide, avec les rats contrôle. Et puis, on fait des études toxicologiques, des analyses sanguines, des analyses au microscope, pour parler simplement. Et c'est devenu, à mon avis, en cours d'étude. Donc là, il n'y avait pas de... L'étude était probablement adaptée à cette approche toxicologique classique. Et puis finalement, au cours de l'étude, elle a glissé vers cette histoire de tumeur chez les rats, de cancérogénèse, et elle n'était en fait pas adaptée au départ à ce type d'étude. Mais c'était probablement ce que les auteurs ont vu comme le plus porteur médiatiquement. Pourquoi n'était-elle pas adaptée ? Qu'est-ce qui, pour vous, clochait dans cette méthodologie, Marcel Kuntz ? Oh, mais il y a une consensus scientifique très large, c'est pour dire que on avait un nombre insuffisant de rats pour que statistiquement on puisse juger, parce que vous aurez forcément des nombres de tumeurs qui vont être variables d'un rat à l'autre, et il faut un nombre suffisant pour que statistiquement on ait quelque chose de fiable. D'autant plus que la race de rat qui a été utilisée est bien connue pour être sujette, quand les rats sont âgés, de faire des tumeurs de manière spontanée. Donc vous avez un bruit de fond important, et si vous avez un bruit de fond important, vous avez plus de mal à voir des petites variations qui pourraient être dues aux facteurs qu'on veut étudier, en l'occurrence l'OGM. Donc cette souche de rat a été parfaitement adaptée à la toxicologie, c'est-à-dire au but initial de l'étude, mais n'était plus adaptée aux modifications qui ont été envisagées en cours d'étude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la souche elle-même, on l'utilise couramment pour si on veut faire des études de toxicologie, pour mesurer des paramètres sanguins. Mais comme avec l'âge, elle fait beaucoup de tumeurs, vous avez un bruit de fond qui vous permet pas de distinguer l'effet du bruit de fond naturel du facteur que vous voulez étudier. Donc il aurait fallu utiliser une autre souche de rats, ce qui a été fait dans les études, on parlera probablement dans un petit moment, qui ont répété l'expérience. Donc il y avait une difficulté méthodologique qui ne permettait pas à la fin de conclure. C'est-à-dire que pour bien comprendre, ces rats, de toute façon, qu'on les alimente d'une manière ou d'une autre, développent de toute façon beaucoup de tumeurs. Oui, avec l'âge, oui. C'est connu. Il y avait des vétérinaires qui sont intervenus dans le débat, qui ne pouvaient pas être suspectés d'être vendus à Monsanto, qui disaient, mais je ne comprends pas, moi j'euthanasie des rats tous les jours qui développent des tumeurs. Comment on peut affirmer, comme ça, de but en blanc, que sans plus de preuves, que c'est dû à la consommation de l'OGM. Donc voilà, on est sur une base méthodologique, quoi qu'en dise Monsieur Serralini, qui est mauvaise, quoi, qui est scientifiquement mauvaise, qui au final ne permet pas de conclure. Mais il fallait conclure parce que je pense qu'il avait très envie de faire une opération scientifico-médiatique mondiale, quoi. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire dans un premier temps. Cette expérience a-t-elle été refaite, Marcel Kuntz ? Enfin, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les agences françaises, donc le Haut Conseil des biotechnologies et l'ANSES, ont été saisies par le gouvernement et ont recommandé plus ou moins explicitement de financer des nouvelles études. Donc le gouvernement français a accepté, et au niveau européen également, des crédits ont été débloqués pour faire des études. Donc on est maintenant en présence, sur les OGM en général, des études récentes, on en a trois, et deux sont spécifiques sur ce fameux maïs-là en question, qui s'appelle NK603. Bon, c'est un peu un nom barbare, mais enfin bon, c'est une lignée bien, bien caractéristique. Donc on a refait des études au niveau européen, et on a fait des études au niveau français. Et l'étude qui est vraiment une étude cancérogénèse, a été financée au niveau européen, et donc a refait l'expérience sur 2 ans de nourriture, mais cette fois-ci en utilisant une race de rat qui est plus adaptée à pouvoir mesurer l'apparition de tumeurs, de compter les tumeurs, évidemment pas des tumeurs gigantesques dans l'étude de Cerlini, ça sert à rien de faire souffrir les animaux, on peut voir apparaître des tumeurs à un stade beaucoup plus précoce et on peut les compter. Donc ça a été refait et on n'a pas trouvé de différence entre les rats qui ont été nourris avec ces fameux OGM et avec un autre OGM d'ailleurs, une autre lignée de maïs, et les rats contrôles. Voilà. Donc on a effectivement refait, on n'a pas retrouvé les mêmes résultats que Cerlini. Et alors, du coup, comment imaginer que ce monsieur, le professeur Gilles-Éric Cerlini, se soit trompé? Quelle a été sa volonté? Et pourquoi un journal scientifique a-t-il accepté la publication de cette étude? Parce que, a priori, les journaux scientifiques, ils sont quand même là, Marcel Kuntz, pour attester de la scientificité d'un travail. Oui, d'ailleurs, dans l'extrait que vous passez de l'interview de Cerlini, il explique que voilà, c'est validé parce que c'est une publication. Eh bien non, c'est pas validé parce que c'est une publication. Enfin, c'est validé, oui, mais ça devient pas un texte gravé dans le marbre qu'on peut plus critiquer. La publication scientifique, elle met sur la table des résultats qui après peuvent être critiqués ou non, qui vont être acceptés par la communauté scientifique ou qui vont être rejetés par la communauté scientifique. Alors effectivement, il y a un processus dit de validation. Il faut peut-être expliquer en deux mots comment ça se passe. Vous soumettez la publication à un journal scientifique. Généralement, on essaie de prendre le plus coté, le plus prestigieux, quand on est scientifique. C'est toujours meilleur pour sa carrière. Et puis, il y a une personne, ce qu'on appelle en anglais un éditeur, qui va l'envoyer à des personnes réputées compétentes dans le domaine et qui sont censées la critiquer. Et généralement, on reçoit des critiques, généralement assez sévères. On est souvent quand même un petit peu vexé de toutes les critiques qu'on reçoit. Mais c'est normal, ça fait partie du processus d'amélioration de la publication. Il ne faut pas se laisser emporter par son enthousiasme pour ses résultats. Il faut se soumettre à la critique. Et mais malheureusement, de temps en temps, ce processus, c'est un processus qui implique des personnes humaines. Et là, il peut y avoir des erreurs, des oublis. Et c'est pas parfait. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une publication scientifique qu'on s'est absolument validé, qu'on peut plus le critiquer. Moi, je soupçonne plus dans cette. C'est un bon journal. Je sais pas si c'est le meilleur, mais enfin, c'est un bon journal dans lequel j'ai publié moi aussi. Je vais pas le critiquer. Mais vous savez, la question des OGM, elle est extrêmement politisée, beaucoup d'idéologie, et donc les clivages idéologiques et politiques, ils fragmentent également la communauté scientifique. Donc moi, je soupçonne que l'éditeur, là, dont je parlais tout à l'heure, qui a réceptionné ce papier, qu'il a envoyé à des éditeurs, avait quelques a priori un peu idéologiques, et puis avait peut-être envie de croire ces résultats-là pour des raisons pas uniquement scientifiques. Donc il y a un manquement évident dans le processus de relecture de ce papier, c'est-à-dire que les relecteurs ne sont pas aperçus qu'il n'y avait pas de rats témoins, ceux qui ont été nourris avec le maïs non OGM. Donc là, manifestement, c'est du niveau basique en science. Si les étudiants, un étudiant de l'université me rend une copie où il manque le témoin, je mets 0, quoi. C'est évident. Donc il y a eu des manquements graves dans la relecture de ce papier qui n'aurait jamais dû être accepté, du moins pas dans cette forme-là. Voilà. Et malgré tout, lorsque l'on voit donc les critiques qui ont été adressées à cette étude, qui aujourd'hui, je crois, a été retirée du journal en question. Oui, il y a eu un certain nombre de critiques et beaucoup de gens ont demandé explicitement que la revue se saisisse de nouveau du dossier et puis retire la publication. Donc il y a eu un réexamen, des lettres de critiques ont été publiées. Et puis finalement, plus d'un an après, la revue a effectivement... Elle a demandé à M. Cerlini de retirer l'article, il a refusé, et donc c'est le journal qui a décidé de le retirer. Donc vous l'avez encore sur Internet, mais il est barré d'un retracted qui montre que le papier a été retiré. Bon, ce qui c'était logique parce qu'il y avait quand même des manquements graves avec dans la présentation des résultats. Moi, les expériences elles-mêmes, elles ont probablement été faites dans de bonnes conditions. C'est pas la question, mais c'est l'interprétation des résultats, les conclusions uniques qu'on en tire. D'ailleurs, à l'époque, j'avais fait une petite, on m'avait invité, le Nouvel Observateur m'avait invité à faire une tribune dans quelques jours après. Et donc là, je disais que sans avoir pu étudier la publication en détail, mais c'était pas la seule conclusion qu'on pouvait tirer des résultats, et c'était pas déontologiquement acceptable de ne présenter qu'une version, quand même très très biaisée idéologiquement. Et en conclusion, les propos de Gilles-Éric Séralini, qui évidemment tente de défendre son étude, est-ce qu'il ne porte pas, est-ce qu'il ne permet pas de relativiser cette erreur qui est attribuée à cette étude ? Séralini avait le choix entre dire « bon, je me suis trompé, ça arrive hein, ». Il y a des gens qui se sont trompés dans des publications, qui retirent volontairement leur article, quitte à le modifier puis à le republier sous une forme améliorée. Bon, il a choisi de défendre bec et ongle, de pas vouloir en démordre. Bon, après, il aura ses partisans. Mais je pense qu'il n'a pas de cet article-là n'a pas de crédibilité scientifique. C'est bien clair. Il n'y a aucune autorité scientifique qui l'a reconnu. C'est tout à fait frappant quand on voit dans le monde, en France, en Europe, dans d'autres pays, tous ont réfuté les conclusions. Merci beaucoup Marcel Kuhn. Vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'université Grenoble-Alpes. Et vous avez publié une note à la Fondation de l'innovation politique au sujet de cette étude. Superfell a été déglingué par Sylvie Favre à la production, gâché par Cindy Le Grumelec à la technique et surtout ruiné par David Jakubovias à la réalisation. Superfell.